La réunion élargie de la 56e session plénière du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée s'est déroulée le 25 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part les cadres intéressés, les membres permanents titulaires et suppléants du comité central de la Fédération générale, les officiels des associations et sociétés, ainsi que d'autres permanents de la Fédération générale dans la capitale et les provinces. Les participants ont discuté des tâches des comités de tous les échelons, des associations et des sociétés pour appliquer à fond les tâches énoncées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message de la nouvelle année 106 du Tutsé 2017.